Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour votre chronique au fil de l'eau en compagnie de François. Bonjour François. Bonjour. Et comment ça va aujourd'hui ? Ben ça va très bien et toi ? Bah parfait, parfait. Toujours bien sûr un peu frais pour la saison pour aller à la pêche. Hein, oui, c'est sûr. C'est sûr que le mois de février c'est le mois qui est le moins intéressant on va dire parce qu'il fait froid, souvent les cours d'eau sont hauts. Alors c'est bien, ça recharge les stocks d'eau, les nappes. Voilà, donc c'est toujours bien qu'il y ait de l'eau dans les rivières. On est content de voir des rivières un petit peu en crue entre guillemets. Pour nous accompagner ce matin, on accueille aussi Loris. Bonjour Loris. Bah bonjour à toi. Qui est en stage à Fadjet hein, pour quelques semaines encore. Oui. Donc toi tu es pêcheur ? Non, mais je connais beaucoup de personnes qui sont pêcheurs et qui sont intéressées, je pense, à écouter tout ça. Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à un poisson. On en a déjà parlé de d'autres poissons. On a parlé du brochet, de la truite et bien d'autres encore. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la tanche. La tanche. C'est pas une insulte, hein, c'est vraiment le poisson, la tanche. C'est pas une insulte. La tanche, de son nom latin, tinca. Tinka. C'est sympa, on devrait l'appeler plutôt comme ça. Ouais, tinka, ça ressemble un peu à une danse. Ça fait un peu mexicain. Oh, j'ai chopé un tinka tinka. C'est ça, donc la tanche. Alors, la tanche, c'est ce poisson de la famille des cyprinidés. C'est une grande famille de poissons hein, qu'on a chez nous en Europe et notamment en France. Alors, à quoi elle ressemble, notre amie la tanche? Elle a un corps qui est assez épais. C'est un poisson qui est assez trapu. C'est costaud. C'est assez costaud, hein, c'est assez haut. C'est très joli. Moi, je trouve que c'est très joli. Alors, ça a une couleur, ça oscille entre le vert, le bronze, l'or, bronze. Tu vois, c'est vraiment doré, ça a des reflets comme ça, c'est vraiment très très beau, verdâtre, entre le vert et le bronze et l'or, je sais pas si vous voyez. Le ventre plus clair. Et le ventre un petit peu plus clair, alors un peu plus jaune, et le dos un petit peu plus sombre, hein, comme tous les poissons, on rappelle, parce que c'est pour se protéger des prédateurs, c'est ce qu'on appelle le mimétisme. Et c'est grand une tanche ? Alors ça peut aller jusqu'à, on va dire, 5 kilos et 60 centimètres, ça c'est les plus gros. Normalement la taille moyenne c'est une quarantaine de centimètres, 35 40 cm à peu près, pour environ 1 kilo. Ça a la particularité d'avoir un corps qui est tout doux avec son mucus. Donc le mucus, c'est la couche protectrice des écailles. Hein. Ça a des toutes petites écailles, les tanches, et c'est tout doux. Alors ça a la réputation, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a une espèce de légende qui dit que les autres poissons, quand ils ont une blessure due à une attaque d'autres poissons, hein, d'un brochet, d'un cendre, ou d'un oiseau, un cormoran, un héron, un martin pêcheur, quand ils ont une blessure, ils viennent se frotter contre une tanche pour avoir son mucus qui est a priori réparateur, cicatrisant, médicinal. Je ne sais pas si quelqu'un a explication, un vétérinaire qui écouterait l'émission ou quoi que ce soit. Ça a déjà été observé. C'est quelque chose qu'on entend, que j'ai entendu moi depuis tout gamin, comme ça, une espèce de légende. Les légendes sont faites pour être colportées. Si des auditeurs se font mal et attrapent une tanche pour se soigner, ils nous diront si ça marche ou pas. J'ai quelques doutes. On verra, Donc, notre ami la tanche, c'est un poisson qui est trapu, qui a des nageoires plutôt grises, des petits yeux un peu jaune-orangés, et puis des lèvres assez grosses, assez charnues, et puis deux petits barbillons, un peu comme les carpes, hein, de part et d'autre de sa bouche. Voilà, parce que c'est un poisson qui vit au fond. Voilà, ça reste collé au fond. Ouais, c'est un poisson. Voilà, c'est un poisson de fond, donc ça mange un peu comme tous les poissons de fond, les poissons fouilleurs, hein, qui ont des petits barbillons, donc la carpe, je vous le disais, le barbeau. Donc la tanche, ces petits barbillons, ça sert à détecter ses proies, hein, ce qu'elle mange. Donc elle va fouiller la vase, le fond, le sable, etc. pour déterrer, désabler, désenvaser des petites larves d'insectes. Hein, les petits insectes dont les larves vivent dans le substrat, au fond des rivières et des plans d'eau. Donc elle va manger un petit peu tout ça. Voilà. Et on la trouve dans quel secteur, dans quel coin dans les rivières? On en trouve pas mal dans nos régions? Alors, on en trouve pas mal, c'est plutôt un poisson d'eau calme. Hein. Les tanches, ça aime pas trop le courant, c'est plutôt bien tranquille, bien pâteux. Donc ça aime bien notamment les plans d'eau, hein, les étangs. Et ça aime bien les herbiers, voilà, les zones un petit peu d'herbiers, de nénuphars. Voilà, quand elles partent en vacances, elles vont chez Airbnb. J'ai le droit de la faire, celle-là. T'as le droit, elle est enregistrée, elle sera diffusée, elle sera parti. Pas coupée. Okay. Donc ça va bien avec son caractère, des endroits calmes, voilà, ce bon pépère qui reste bien collé au fond. C'est ça, bien tranquille. Tinka, on le rappelle. Voilà, Tinka est bien tranquille et bien méfiante aussi. C'est pas facile, elle n'est pas facile à attraper, la tanche. Quelle technique on peut utiliser pour l'attraper, du coup? Alors, bon, on l'a dit, c'est un poisson d'eau assez calme, donc on va utiliser des techniques aussi qui sont adaptées au secteur. Hein. La pêche à l'anglaise, la pêche au feeder, on en a déjà parlé, hein, donc qui est une pêche au cou avec une canne, avec un moulinet pour pêcher à grande distance, ou la pêche au cou classique, donc avec juste une gaule sans moulinet. Il faut être monté. Alors, il faut trouver le juste équilibre entre être monté quand même un peu costaud, parce qu'on l'a dit, c'est un poisson qui, ouais, est, qui se défend bien, en plus, et qui peut être un petit peu gros, qui utilise justement son poids et ses grandes nageoires pour combattre, hein, quand on l'a attrapé. Mais c'est un poisson qui est assez méfiant, assez tatillon sur l'appât, donc ça peut vous faire des touches assez longues, ça peut mettre le temps pour arriver sur le coup de pêche, hein. Donc voilà, faut être assez patient, c'est le cliché du pêcheur patient, mais là pour le coup la tanche effectivement ça met la patience un peu à l'épreuve. Alors c'est pas forcément le poisson qu'on va chercher à attraper en priorité, parce qu'on peut attraper d'autres poissons avec ces différentes techniques. Oui bien sûr, bah comme quand tu pêches au cou, en fait souvent tu t'amorces un coup de pêche et puis tu peux pas choisir l'espèce de poisson que tu veux attraper. C'est aussi la magie de la pêche. Quand t'as une touche, qu'est-ce que c'est, tu vois, qu'est-ce que t'as au bout de ta ligne, tu vois pas. Donc ça c'est quand même assez génial. Après tu peux adapter des fois un petit peu, alors à la fois tes appâts et tes amorces et l'endroit dans lequel tu pêches pour privilégier ou favoriser la capture de tel ou tel poisson. Donc là, on l'a dit, pour la tanche, on va essayer de pêcher quand même à proximité d'herbiers et de nénuphars, quoi. Voilà, un endroit plutôt calme. Un endroit plutôt calme, voilà. Donc les appâts, hein, des appâts plutôt classiques, hein, pour les cyprinidés, asticots, petits vers de terreau, c'est des petits vers de terre, hein, qui sont de petite taille, ou des graines, hein, maïs, blé, etc. C'est un comportement un peu comme la carpe, pour le coup. Ouais, si on cherche à attraper une carpe, on peut aussi se retrouver à avoir... Oui, les carpistes d'ailleurs qui pêchent la carpe à la bouillette avec du matériel spécifique pour la carpe et qui recherchent les carpes attrapent régulièrement des tanches avec leurs appâts. Loris, est-ce que tu as une question par là ? Est-ce que la tanche, c'est un poisson qui est très demandé à pêcher justement ? Il n'y a pas énormément de pêcheurs en proportion et en nombre qui recherchent spécifiquement la tanche. Par contre, tous les pêcheurs que je connais, quand ils attrapent une tanche, sont contents parce que c'est pas si facile que ça à attraper. Je dirais pas que c'est rare, mais c'est vrai que t'en attrapes pas non plus tout le temps quand tu pêches au cou. Et troisièmement, alors c'est subjectif, mais c'est vrai que c'est un poisson qui est quand même joli et qui se combat fort, donc c'est une belle prise, quoi. Donc les pêcheurs la recherchent pas spécifiquement vraiment, enfin certains le font, hein, mais par contre quand on en attrape une, on est content, quoi. On les relâche, hein, très souvent, les tanches, mais est-ce que ça a un intérêt gustatif pour les gourmands qui nous écoutent ? Alors pas à ma connaissance, je t'avoue que j'ai pas fait trop de biblio culinaire avant l'émission, ni recherché recette de tanche sur un moteur de recherche. Loris, t'as déjà entendu parler d'une recette de tanche, beignet pas. De tanche, glace à la tanche Non, je crois que c'est pas... Alors souvent, c'est les poissons de fond. Les poissons assez gros, hein, parce que les goujons, qui sont des poissons de fond, sont assez bons en friture, mais ça reste des petits poissons. Là, c'est un gros poisson, c'est comme la carpe. Alors bon, la carpe, il y a quelques recettes, hein, de carpe, hein, la carpe frite, etc. Mais la tanche, je ne suis pas certain que ça soit excellent. Bon, alors, s'il y a des auditeurs qui ont par hasard des recettes, hein, qui nous les proposent, hein, on en parlera peut-être dans une autre émission. Peut-être, hein, bien sûr. Peut-être. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore sur ce beau poisson ? Un petit mot sur l'amorce peut-être, parce que c'est vrai que les amorces qui sont plutôt un petit peu sucrées, a priori favorisent, la tanche aime bien un petit peu le sucré, donc un peu le caramel, pain d'épices, c'est ce genre d'un peu d'arôme, sont connus pour être favoriser la venue des tanches sur le cou, un peu de maïs aussi, que ce soit en farine, maïs un petit peu sucré, tu sais, qui trempe, quoi, qui macère là-dedans, donc faut être patient. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, à regarder aussi les nombreux articles des magazines spécialisés. Et sur Internet, on a plein d'infos sur les pêches spécifiques de notre ami Tinka, la tanche. Merci François. On n'a pas fini, hein, on va parler maintenant un petit peu d'actu, hein, parce qu'il y a deux, trois petites choses à nous dire. On commence par quoi ? Par le brochet ? Oui, c'est la fermeture du brochet qui arrive. C'est le dimanche 29 janvier. On a le droit encore de pêcher dimanche, hein. C'est le dimanche 29 janvier, au soir, j'ai pas la date parce que vous savez que les horaires légaux de pêche, on a le droit de pêcher jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil, donc c'est le dimanche soir, enfin en fin d'après-midi, ça doit être vers 18h, 18h30. Le lundi, on n'aura plus le droit en tout cas. Voilà, c'est ça, à partir du lundi 30 janvier, on n'a plus le droit. On rappelle pourquoi ? On laisse le brochet tranquille ? Oui, voilà, c'est parce que, on rappelle pourquoi, t'as raison, c'est pour laisser le brochet tranquille parce que c'est le début de sa période de reproduction, donc il va rentrer... En reproduction, on rappelle qu'il se reproduit dans les zones humides, les bras morts, etc., les prairies un peu inondées. On l'a dit, c'est une période au cours de laquelle les rivières sont quand même un petit peu gonflées d'eau, on est content, et ça favorise la reproduction du brochet, donc on le laisse tranquille. Donc on va faire un rappel du code de l'environnement, je vous embête pas, mais c'est l'article R436-33 qui dit que pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et au leurre susceptible de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie. C'est clair. C'est clair jusqu'au jour où tu te dis qu'est-ce que c'est la manière accidentelle ou non. On est toujours un petit peu dans l'ambiguïté par rapport à cet article de loi. On a pas mal de questions de pêcheurs sur quel appât on a le droit. Est-ce que, voilà. Nous, on a l'habitude de citer cet article du Code de l'environnement en disant ne jouez pas avec la loi, l'interprétation, c'est le garde-pêche qui interprète. On a le droit de pêcher au ver de terre. Naturel, un ver de terre, on a le droit, il n'y a pas de souci. Oui. Ça rentre pas dans ce cadre-là. Après, tous les vers artificiels qui sont des leurres, etc., etc., ça peut être considéré par un garde comme susceptible d'attraper ce poisson de manière non accidentelle, donc verbalisable. Voilà, c'est l'article de loi est pas hyper bien rédigé, mais on s'en contente. On s'en contente, effectivement. Une deuxième actu, là c'est pour les pêcheurs et pour faire de bonnes affaires, il va y avoir une brocante. Oui, la brocante de pêche, de matériel de pêche, qui est organisée par la Gaule Dombaloise, donc l'association, la Gaule Dombaloise, l'association de pêche de Dombasle. Donc c'est à Dombasle, à la salle polyvalente, le dimanche 12 février. À partir de 9h, on rappelle que l'entrée est à 1€ par personne, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, et tous les bénéfices donc des entrées, l'intégralité de la somme des entrées de la buvette est reversée à l'hôpital d'enfants. C'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Mmh. Et il y a pas mal d'exposants, c'est toujours sympa une brocante de pêche, parce que alors faut arriver comme toutes les brocantes un petit peu tôt, hein, 9h, il y a du monde. Mais il y a du monde surtout le matin. Mais, le pêcheur voilà. Est du matin souvent. Hein. Et bien voilà, c'est sûr, mais oui, on a l'habitude, 9h c'est déjà une grasse mat. Hein. Mais voilà, donc si vous voulez faire quelques petites affaires, là il y aura pas mal d'exposants, et puis c'est toujours intéressant d'aller chiner un petit peu. C'est, on le rappelle, aussi une période au cours de laquelle on pêche quand même assez peu, hein, le mois de février, oui. La truite n'est pas encore ouverte, le brochet est fermé, il fait un petit peu froid, etc. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de faire une petite revue de matériel, et puis de regarder ce qui nous manque, et puis de faire des bonnes affaires. Et une bonne action en plus au profit de l'hôpital d'enfants, avec cette entrée à 1€ par personne, donc c'est tout à fait une belle chose à faire. Tout à fait. Et c'est aussi l'occasion d'acheter sa carte de pêche pour l'année aussi. Oui, hein, on peut acheter, voilà. Aussi, hein, oui, la Gaule Dombaloise vendra des cartes de pêche aussi, voilà. avec un ordinateur, et puis on rappelle que c'est aussi accessible chez tous les dépositaires du département, et aussi sur le site évidemment www.cartedepêche.fr. Voilà, la brocante pêche le dimanche 12 février à partir de 9h, donc salle polyvalente de Dombasle-sur-Meurthe. Merci François. Merci. On se retrouve le mois prochain. Tout à fait. Et on parlera de l'ouverture de la truite tant attendue chaque année, qui sera le samedi 11 mars. Merci à Loris aussi. Merci Loris. Merci à toi. À bientôt. Et merci à vous. Bonne salut. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.